Hello. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la sagesse. La sagesse qui vient d'en haut. Remplis-nous, Seigneur, de sagesse ce matin, afin que nous puissions éviter le mal qui est devant nous. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on reprenne le cœur de du premier culte, n'est-ce pas, qui dit quoi? Que nous soyons doux comme des colombes et sages comme des serpents pour y arriver. Amen. Si vous n'êtes pas sages, si vous n'êtes pas doux comme des colombes, vous n'y arriverez jamais. Si vous n'êtes pas sages comme des serpents, vous n'y arriverez jamais. Yes. Vous n'êtes si pas tu en es pas, comme des toi, colombes, si tu n'es pas tu doux, n'y arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Ooh, si tu n'es pas sage, ne vous terrez. Tu n'es pas sage. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. C'est simple. Tu n'es pas doux comme une colombe. Tu n'es pas doux. Tu n'y arriveras jamais. Ouh. Tu n'es pas sage comme un serpent. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Si tu n'es pas doux comme un. Tu n'es pas doux comme une colombe. Comme une colombe. Daniel, tu chantes au sol ou à quelqu'un? Tu n'es pas sage comme un serpent. Tu n'y arriveras jamais. Patrick, tu n'es pas doux comme une colombe. Tu n'y arriveras jamais. Tourne à quelqu'un d'autre et dis-toi là si tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage comme un serpent. Tu n'y arriveras jamais. Jamais, jamais, jamais. Alléluia, une dernière fois. Si tu n'es pas sage comme une colombe. Tu n'y arriveras jamais. Jamais, jamais, jamais. Si tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage comme un serpent. Tu jamais, jamais, jamais, jamais. Seigneur, aie pitié de nous, au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur et asseyez-vous. Si je ne suis pas doux comme une colombe, je n'arriverai jamais. Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours être dur. Parfois, il faut être doux. Ok? Amen, Liane. Faut être douce parfois. Alléluia. Amen, Maria. Maria Esther. Yeah. Si tu n'es pas sage comme un serpent, quelque chose de terrible va t'arriver. Tu ne vas pas arriver à la fin, jusqu'au bout. Amen. Combien veulent arriver jusqu'au bout, à la fin? Ok. Soyez sages. Amen. Donc nous parlons des simulateurs, n'est-ce pas? On va juste continuer ce qu'on a commencé pendant le premier culte. Je n'avais même pas donné un seul point, n'est-ce pas? Mais je crois que le Saint-Esprit nous a emportés un peu. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes simples. Amen. Oh, what a shock. Ok. Proverbe 22, 14 d'abord, 14, 15. C'est facile, non? À se rappeler, Proverbe 14, 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple. On a parlé de l'homme simple pendant le premier culte. N'est-ce pas? Et on a vu que c'est pas bon d'être simple. Et quand je parle de simple ici, c'est pas une simplicité corporelle. Ah, ok. C'est une simplicité d'esprit. C'est une simplicité qui est négative. C'est vrai que la Bible nous demande de ne pas être orgueilleuse. Donc tu vas dire, oh, je dois être simple. Ça, c'est une autre simplicité. Alléluia. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Tu vas me dire, mais Lady Pasteur, en 1 Corinthiens 13, la Bible dit que l'amour croit tout. L'amour croit tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc qu'est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas croire tout? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'homme simple et l'amour sont différents. Si tu es simple, un homme simple, une femme simple, tu vas tout croire. Et cette attitude de tout croire, ici, c'est pas positif. De tout croire. Tu crois tout ce qu'on te dit, Ruth. La Bible te décrit comme quelqu'un de simple. Ok? La raison pour laquelle je sais que c'est pas bon, c'est parce que le verset continue à dire, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ça veut dire que l'homme prudent et l'homme simple ne sont pas pareils. Un croit tout et l'autre est attentif. Faisons attention à ce qu'on nous dit. Tu ne dois pas croire tout ce qu'on te dit. Et moi, je dirais, ça dépend de celui qui te parle. Celui qui te dit quelque chose. C'est ça qui fait la différence. Si la Bible te parle, crois tout. Parce que tu sais que Dieu t'aime. Mais la personne qui te parle, tu n'es pas sûr de son amour. Fais attention. Et je vous ai dit pendant le premier culte que quelqu'un que tu connais à peine, tu ne peux pas me dire que tu connais cette personne. Donc si j'étais toi, je n'allais pas tout croire de ce qu'il me dit ou de ce qu'elle me dit. Je ne peux pas tomber amoureuse de quelqu'un que je connais à peine, 2-3 mois. Vous n'êtes pas seulement tombé amoureuse ou amoureux, mais tu as déménagé pour aller vivre chez cette personne. Vous mâchez le chewing-gum, vous deux, là. Non, hein? Hein? Ok. Quand vous chantiez, je croyais voir des chewing-gums dans vos bouches. Amen. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas simple. Je ne crois pas tout ce qu'on me dit. Oui. Je suis attentif. Amen. J'essaie d'être attentif. Amen. Attentif veut dire vigilant. Éveillé, conscient, pas endormi, pas hypnotisé, pris. Tu es tellement pris par sa beauté que tu crois tout ce qu'elle dit. Tu es pris par son apparence que tu crois tout ce qu'il te dit. C'est l'homme prudent qui est attentif. Proverbe 22, 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Se cache. Il ne fuit pas parce que le mal peut l'attraper. Le mal est rapide. Usain Bolt. Le mal est malin. Ça peut t'attraper. Ça peut te surprendre. Mais la Bible dit, l'homme prudent, il se cache. Il se cache des yeux du mal et du malin. Il ne négocie pas. Il n'essaie pas de discuter ou de convertir le mal en bien. Il se cache. Pourquoi? Parce qu'il se connaît. Il sait que lui, il est faible. Lui, il ne peut pas. Si tu n'es pas sage comme un serpent, tu n'arriveras jamais. Le serpent, il est sage, il se cache. Quand il sait qu'il y a des êtres humains à côté, il se cache. Pas parce qu'il n'est pas rapide, il est plus rapide que nous. Il est plus rapide. Pas parce qu'il est moins dangereux, il est plus dangereux que nous. Mais il se cache. Ça, c'est la sagesse du serpent. Alléluia. Donc, si tu veux être sage, tu veux être prudent, tu veux vivre longtemps, soyez attentifs. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, elle n'a pas dit Alléluia. Hein? J'attendais ça moi aussi. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Nous parlons des simulateurs, des hypocrites, de faux semblants. Ceux qui font semblant. Et je disais pendant le premier culte, je ne parle pas de non-croyants. Des gens qui sont dans le monde. Parce que eux, ils sont plus honnêtes que nous parfois. Eux, ils disent qu'ils ne croient pas. Ils disent qu'ils vont, ils vont fêter, ils vont boire, ils vont gaspiller. Ils vont tout faire. Ils sont francs. C'est nous. C'est nous qui avons le problème d'hypocrisie. Voilà pourquoi le monde nous traite d'hypocrites. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des chrétiens, des gens qui disent « Ah, vous les charismatiques là, vous les chrétiens là, vous êtes trop hypocrites. » Qui a déjà entendu ça? Yeah. Et ils n'ont pas tort. Parce qu'il y a trop de faux semblants. Vous êtes malade, vous dites que vous n'êtes pas malade. Vous avez un problème, vous dites que non, ça va, je vais bien. Comment est-ce que vous allez recevoir de l'aide? Donc pendant ces cours de simulation, nous allons recevoir une guérison, une délivrance. Amen. C'est seulement quand vous êtes honnête et franc que vous allez recevoir l'aide. Amen. Simulateurs, ceux qui prétendent, ceux qui donnent l'impression d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Amen. C'est quelqu'un de dangereux. Et ce sont les simples, les naïfs qui tombent dans le piège, qui croient tout. Amen. Alléluia. Un simulateur, c'est quelqu'un qui essaie de donner une certaine impression. À part Satan qui s'est déguisé en ange de lumière, nous avons aussi Dalila, qu'on a vu la semaine passée. Quelqu'un qui a réussi à tromper un homme, pas seulement un simple homme, mais un homme fort, dont les guerriers avaient peur, le grand Samson. L'armée des Philistins avait peur de Samson. Il ne savait pas comment arrêter cet homme. Il a fallu une demoiselle charmante et belle pour arrêter le grand Samson. Pas avec des mitraillettes et des bombes et des AK-47 et des... Kalachnikov. Non. Pas avec des flèches et des grenades. Pas avec des missiles. Non. Femme fragile. Femme douce. Femme belle. Capable d'arrêter l'homme le plus fort. Comment? Comment? Comment? Par les mollets, les genoux, le terre, les yeux, avec le charme. La structure. La Bible dit qu'elle a fait endormir Samson sur ses cuisses. Ouh! What a shock! Les cuisses d'une femme sont plus dangereuses que les kalachnikovs des armées des Philistins. What a shock! Wow! Yeah! Homme vaillant, tu crois que tu es fort? La Bible dit que l'homme prudent, il voit le mal et il se cache. Toi, tu ne te caches pas. Tu vas de l'avant. Et tu te dis, c'est moi l'homme. C'est moi l'homme. C'est moi le plus fort. Parfois, tu penses que tu es au contrôle. Hey, brother, are you okay? Tu crois que tu es au contrôle, mais tu n'es pas au contrôle. Tu es contrôlé, tu ne sais pas. Amen. Parce qu'il y a des simulateurs et des simulatrices dans cette église. Dans l'église de Dieu. Seigneur, aie pitié. Yeah. Mais tout n'est pas perdu. Il y a l'espoir. Ce que tu dois faire seulement, c'est d'être attentif, jeune homme. Être vigilant. Garder les yeux ouverts, jeune fille. Ne croyez pas tout ce qu'il te dit. Parce que tu ne le connais pas encore. Amen. Tu ne sais pas qu'il dit la même chose à trois autres filles. Deux sont dans son école, deux sont dans son quartier. Il te dit que tu es la plus belle. Il a dit ça déjà le matin, avant de venir chez toi. Yes. Mais parce que tu es simple, tu crois. C'est pourquoi tu es choqué qu'il a dit ça, il a déjà dit ça à deux autres. Tu es surprise. Oh! Oh! Il m'a dit ça. Il a dit que c'était moi. Et tu as cru. La Bible dit, c'est parce que tu es simple. Amen. Si tu étais un peu plus attentif, tu allais voir que ce n'est qu'un simple James Bond. C'est un bandit. Si tu allais écouter seulement le conseil, tu allais savoir que ce que les autres ont dit, c'est vrai. Mais non, puisque tu es simple, tu as cru. Tu as dit, c'est parce que Élodie ne le comprend pas. Moi, je le comprends. Élodie est méchante. Elle ne prépare pas pour lui. C'est pourquoi ça n'a pas marché avec Élodie. Mais moi, je suis différente. Moi, il m'aime. Oh, chérie Coco, tu es trop simple. Alléluia. Amen. Chérie Coco. Amen. Let's move on. Sinon, je vais continuer sur ce même point. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est passionnant. Pour moi. Parce que je ne vois pas comment, je ne vois plus comment, après tous ces enseignements, vous pouvez rester aussi simple. C'est pas une simplicité de quelqu'un qui est innocent, qui ne sait pas. Tu sais. Comme Samson, tu sais que c'est un piège. Mais tu continues. Parce qu'une fois tu étais fort, tu as pu remporter les portes de Gaza. Sur les épaules, tu as pu tuer des lions, les gens ont peur de toi. Donc tu penses qu'ils auront toujours peur. Elle a utilisé la même stratégie. Elle continue à utiliser la même stratégie. Et tu avances toujours. Oh, Samson. Samson. Pourquoi? Amen. Tu es simple, Samson. Yeah. On a vu l'histoire de Jaël. L'histoire de Jaël. Jaël. On a vu l'histoire de ton homonyme. Elle a réussi à arrêter, recherchée par les armées. Elle n'avait pas de Kalachnikov. Elle n'avait pas de grenade. Pas de couteau. Si, non, un marteau. Elle n'avait pas des armes, what do you call these tankers? The tank. Les chars. Nothing. Vous savez ce qu'elle a utilisé pour arrêter un homme vaillant, un guerrier recherché par les armées? Le lait. Un verre de lait. L'homme de Dieu, l'homme vaillant, il avait soif. Et il est parti se cacher. Et voilà Jaël, présente, douce, calme, gentille. Elle dit, viens te cacher dans ma tente. Viens, cache-toi. Il regarde, il voit une simple femme. Elle ne porte pas de danger, aucun danger. Aucun danger. Donc il entre, il dit, quand les gens viendront, il faut leur dire. Lui, il donne des instructions. Il donne des ordres. Il faut leur dire que je ne suis pas là, ok? Ok? Ok? Non problème. Repose-toi seulement. Tu dois être fatigué. Tu veux quelque chose à boire? Oh, donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Oh, de l'eau! Oh. Reste tranquille. J'arrive. Elle apporte du lait. Et il se dit, oh! Ah, c'est une femme soumise. Elle reconnaît ma force. Elle reconnaît mon importance. Elle voit qui je suis. Ah, merci, chérie, Coco. Et il boit le lait. Il baisse les gardes. Il dort. Tu es un homme en guerre. Tu es un responsable dans une guerre. Tu ne peux pas te permettre de t'endormir n'importe où. Avec n'importe qui. Tu es un homme en guerre. Nous sommes dans une guerre. Yannick, c'est la guerre. La marche chrétienne, c'est une guerre. Tu ne peux pas te permettre de fermer les yeux quand il ne faut pas. Où il ne faut pas. Avec qui il ne faut pas. Et quand il ne faut pas. Il s'est endormi comme un bébé. Il n'a plus ouvert les yeux. Cette femme douce, gentille, était une femme dangereuse. Yeah. Tu peux être grand, tu peux être fort, mais tu peux aussi être simple. Amen. Soyez attentifs. Yeah. Il y a aussi l'histoire d'une certaine fille, elle s'appelle Tamar. Vous connaissez son histoire? Simple et innocente. Elle est allée donner à manger à son frère, la pauvre. Elle était innocente. Mais parce que son frère, son demi-frère, était un prétendant, fraudeur, un faux sembleur, un hypocrite, un simulateur. Elle a cru. Et finit par être violée. Parce qu'elle croyait qu'elle donnait seulement à manger à son frère. Mais le frère avait d'autres idées. Encouragé par un ami. C'est son ami qui lui a donné l'idée. Il dit, oh, mais toi aussi, tu es fils du roi, non? Pourquoi tu pleures? Laisse. Il faut l'inviter seulement. Fais ceci, fais ceci. Tu auras ce que tu cherches. Des stratégies données par un frère. Les simulateurs. Tu vas les voir, tu vas les reconnaître parce qu'il y a des signes. Il y a des symptômes. Amen. Sisters, amen. Vous êtes trop simple. Amen. Il y a une histoire que je vais vous montrer. Genèse 31, vous n'avez pas l'écran. Genèse 34, verset 13. Il y avait l'histoire d'un groupe de personnes qui habitaient à côté des fils de Jacob, donc le peuple d'Israël. Et vous savez, les enfants d'Israël ou les fils d'Israël sont des gens avec qui il ne faut pas jouer. Ils sont terribles quand ils décident d'être terribles. Amen. Et, what's his name? Le verset 13. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et Hamor. Let's look at it from. Wait. La technologie. Genèse 34. Genèse. Oh là là. It's coming. 34. Verset. Non. Before that. Oh. Hey. Who's there? It's frozen. Qui est là? Qui peut lire pour moi? From verse 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Verset 6. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. » Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils, just a minute. Vous avez vu la scène, n'est-ce pas? Vous avez compris ce qui s'est passé. Ok. Le jeune homme a vu une belle fille. Il est tombé amoureux de la fille. Il a été pris par sa beauté. N'est-ce pas? Et il était tellement pris qu'il ne pouvait pas se contrôler. Il a violé la jeune fille. Il a pris par force. La Bible dit qu'il a déshonoré une chose qui n'aurait pas dû se faire. Maintenant, il voit que non, ça, cette fille-là, I like her. Je veux me marier avec elle. Chose honorable. Mais il a déjà tout gâché. S'il avait seulement fait ce qu'il fallait faire d'une manière correcte. Il voulait l'épouser, honorable. Pourquoi ne pas attendre? Pourquoi ne pas demander la main comme il le faut? Parce qu'il était emporté. Combien de personnes ici ont déjà été emportées à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire? Une fois dans la vie, emporté par le vent. Il y a un film comme ça. Let's continue, verse 13. Verset 13. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne irons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme que et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose. Car dites la chose. Car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays était assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils le sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient Hamor et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncire. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Listenons, écoutez. Ils disent, leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Donc, oui, c'est vrai qu'ils nous demandent de nous faire circoncis. Mais nous allons gagner quelque chose. N'est-ce pas? Leur bétail, parce qu'ils sont chez nous. N'est-ce pas? Donc, on dirait que tout le monde va gagner. Ok, continue. Le troisième jour, verset 25, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passaient aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Full stop. Wow! Des gros simulateurs qui ont pu tromper tout un peuple. Tout un peuple. Dit, ok, vous voulez notre fille, hein? Pas de problème. Il faut seulement faire une chose. La chose. Il faut que tous les hommes soient circoncis. Vous savez, la circoncision, ce n'est pas chose facile, hein? Surtout si tu es vieux. Pour un petit garçon de 5 jours, 7 jours, c'est vite fait, il souffre un peu seulement et vite, tout rentre en ordre. Mais pour un homme adulte, de se faire circoncire. Oh! Wow! La Bible dit le troisième jour. Donc ça veut dire après 3 jours, ils avaient toujours mal. À l'époque, je ne sais pas quelle sorte d'anesthésie ils utilisaient. Je ne sais pas quelle sorte d'équipement ils utilisaient. Je ne sais pas comment ça devait se passer. Mais la Bible nous dit que le troisième jour, quand tout le monde était circoncis, tous les hommes, voici les deux frères de Dina qui arrivent. Ils disent, hey, c'est toi qui as violé ma sœur, non? Ok. Ils ont tué tous les mâles. Parce que les chefs simulateurs ont réussi à tromper les hommes simples. Tu es simple lorsque tu es pris par tes émotions et tu suis tes émotions. Tu es tombé amoureuse d'une fille et puis tu... automatiquement. Puis ces simulateurs ont fait semblant de pardonner. Il y a des choses qui ne sont pas aussi facilement pardonnées. Vous avez oublié l'histoire de Tamar. Son frère aussi, il n'a dit rien de mal ni de mauvais, de bien. Pendant 2 ans, il faisait semblant que tout allait bien. Et un jour, il invite le frère. Il dit, Amnon, viens manger. Et lui aussi, il part. Les fils de, ils s'appellent comment? Amon et Sichem. Les frères de Dina disent, oh, vous voulez épouser Dina? No problem. Tu as violé, mais on va oublier ça. Ah, puisque maintenant tu veux marier la fille. Donc tout sera bien, n'est-ce pas? Tout sera réglé, en ordre. Donc, on veut bien, il faut juste faire ça. Quand tu offenses quelqu'un, hein, quand tu fais du mal à quelqu'un, et la personne te dit, je te pardonne, garde les yeux ouverts. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas facilement pardonnées comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas aussi facilement pardonnées. Donc un simulateur peut te dire, il n'y a pas de problème. Tu sais, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Je sais que tu... Bon, c'est une erreur. Nous tous, nous sommes tous pécheurs, non? On a tous péché. Ça arrive. Fais attention. J'ai pardonné. Oh, j'ai demandé pardon. Elle m'a dit que je suis pardonné. Wow. Ok. Peut-être tu es pardonné, mais garde, faut pas fermer les yeux. Faut pas fermer les yeux. Amen. Surtout si tu sais que tu as tort ou tu avais tort. Si tu sais, tu as brisé le cœur de cette jeune fille. Tu lui as promis un mariage. Tu as épousé quelqu'un d'autre. Après qu'elle t'a payé la scolarité. Et puis tu envoies une lettre, tu dis, je suis désolé, pardonne-moi. Forget. Yeah. Donc ces deux garçons, ils ont fait semblant de pardonner. Et ils ont réussi à tuer tous les mâles. juste parce que les garçons étaient pris par l'émotion. L'amour, les émotions. Waouh. Yeah. Vous qui avez l'habitude de briser le cœur des filles, vous pensez que c'est pardonné. Il y a une expression en anglais qui dit « Hell hath no fury like a woman scorned ». Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfer ne connaît pas la colère comme une femme scorned, méprisée, délaissée, une femme abandonnée. La fureur d'une femme, ok, même l'enfer ne peut pas être comparé à la fureur d'une femme. Scorned is not just abandonné. Scorned, c'est... you look like... méprisé. Ridiculisé, abandonné. C'est une femme qui se sent abandonnée, ridiculisée, méprisée, et plus dangereuse que l'enfer. Donc vous qui avez l'habitude, faites attention. Yeah. Yeah. Et oh, ce sont des choses qui arrivent. Fermez pas les deux yeux quand tu dors. C'est un conseil. Alléluia. Amen. Je parle des simulateurs dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Yeah. C'est avec le temps que tu sauras si elle t'a vraiment pardonné ou pas. Si tu es vraiment libre ou pas. Yeah. Parce qu'il y a des simulateurs et simulatrices dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Un simulateur change complètement ses habitudes. Change complètement ses habitudes pour te convaincre. Alléluia. Les fils de Jacob, tout d'un coup, un jour, ils sont en colère. Le jour après, ils disent, oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux avoir notre sœur. Il faut seulement être circoncis. Et puis nous aurons tes sœurs, vous êtes libres de venir chez nous prendre aussi, il n'y a pas de problème, on sera unis ensemble. C'est trop facile, trop vite, trop facile. Trop vite, trop facile. Les gens qui promettent des choses trop vite, fais attention aux gens qui promettent trop vite les choses. Surtout que c'était pas le cas avant. Are you listening to me? Ok. Amen. Les gens qui sont dans le besoin sont des bons candidats pour être des simulateurs. C'est un point. Les gens qui sont dans le besoin sont des bons candidats. Pour être des simulateurs. S'il y a quelqu'un qui est toujours, il a besoin de quelque chose, il va jouer à tout rôle pour avoir ce qu'il cherche. Si un homme veut une femme, il sera comme un agneau, hein? Doux, comme une colombe. Quand vous allez faire le shopping, il va porter ton sac. Il va même offrir, il va même se présenter. Il va dire, je vais acheter tu veux quoi? Il est galant, thank you. Il est galant. S'il est dans le besoin, il veut quelque chose, il fait un demi-tour complète. On ne le reconnaît plus parce qu'il est dans le besoin. Une femme qui veut se marier. Même si elle n'aime pas préparer, pour toi là, elle va préparer. Elle va préparer les escargots. Hein? À la sauce gombo. What a shock. Tout ce qui est difficile à préparer, elle va préparer pour toi. Tout ce qui est difficile à faire, elle va le faire. Une femme qui veut se marier, elle est prête à tout. Après le mariage, c'est là où tu vas voir qu'avant de te rencontrer, elle n'a jamais mis pied au marché. Une femme qui veut quelque chose. Flair. True or not true? Amen. Ce sont des bons candidats. Il y a une histoire d'une autre Tamar dans la Bible. Genèse 38. Sister Marie, are you there? Genèse 38. I like the way you read. Du verset 13 au verset 19. Ça, c'est la fille de la femme de... She was the wife of who? Somebody who died, and then their brother died, and their brother died. And then she was married. C'est Judas, hein? La belle-fille de Judas. OK. All right, let's read it from verse 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis... Genèse 28. 38. Genèse 38. On va terminer bientôt. Je sais que vous avez faim. Genèse 38, 13. Oh, should we start with verse 1? OK, verset 1. I like the way you read, sister. Une voix de radio. Ah, ouch. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Et il a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Zib quand elle enfanta. Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une prospérité à ton frère. Il faut comprendre qu'à l'époque, ça c'était la tradition. Si tu te maries avec une femme et tu meurs, automatiquement, elle appartient à ton frère. Ça existe. Ah, c'est la tradition, la coutume. OK, continue. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parla ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, la Dulamite. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Tima pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Et il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Il y a des histoires dans la Bible, hein? Judas envoya le chevreau par son ami, la Dulamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Juda et dit, « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Juda dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé le chevreau et tu ne l'as pas trouvée. » Environ 3 mois après, on vient lui dire à Juda, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Juda dit, « Faites-la mourir, et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'emmenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ces cachets, ses cordons et ce bâton. » Juda les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla mon fils, et il ne la connut plus. » Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Amen. Amen. Hallelujah. Have you seen? Un coup, c'est... Quand une femme veut quelque chose, va tout faire pour l'avoir. Amen. Tu penses que tu es si fort, si intelligent. Tu penses que tu es si rusé, mature. Amen. Il y a des prétendeurs et des prétendeuses. Des simulateurs et des simulatrices. Alléluia. Faut seulement rester attentif, vigilant. Amen. C'est une femme qui a été trompée, c'est vrai. On l'a... Ils ont méprisé la femme. Judas lui avait promis quelque chose. Mais il n'avait pas l'intention de faire ce qu'il avait promis. Et elle s'est dit, je ne vais pas me laisser avoir. Je ne vais pas me laisser faire. Il pense qu'il est intelligent. Moi aussi, j'ai des idées. Elle savait que personne n'allait l'épouser parce qu'elle était veuve 2 fois. C'est comme si elle était une veuve noire. Vous connaissez le serpent? Non, l'araignée. Vous connaissez l'araignée? Qui ne connaît pas l'araignée veuve noire? Ok. Marie-Joël, tu ne connais pas. Il y a une araignée. Ce qu'elle fait, c'est une araignée, une vraie spécie qui s'appelle veuve noire. Pourquoi? Parce que quand elle attrape un homme, un mâle, araignée, après avoir copulé, vous savez ce qu'elle fait? Elle tue le mâle. Après avoir copulé. Elle tue le mâle. Ça, c'est ce qu'elle fait. Ça, c'est la spécie d'araignée. Donc, elle s'appelle la veuve noire. OK? If you like, Google veuve noire. Spider. Black widow. Yeah. Donc, tout le monde allait la traiter de veuve noire. C'est elle qui tue ses maris. C'est une sorcière. Moi, je ne veux pas donner mon troisième fils pour que cette femme la tue. Mais Judas savait que son fils, l'aîné, était méchant. C'était un homme terrible. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a tué. Le deuxième aussi était aussi méchant. Il savait que cette femme n'allait pas accoucher si lui, il ne lui donnait pas la semence. Mais puisqu'il savait que ça ne lui appartiendrait pas, ça devait appartenir à son grand frère pour sa postérité. Il, lui aussi, il a été méchant. Donc cette femme a été utilisée par les hommes. Et elle n'avait rien pour montrer. Dans sa vieillesse, aucun enfant pour prendre soin d'elle. Donc elle a dit, si je me laisse faire, je vais mourir seule. Voici Judas qui arrive. Tu vas prendre ma part, ce qui m'est dû. Judas est tombé dans le piège. Parce qu'il était dans le besoin. Pris par l'émotion du moment. Il a donné le cachet, cordon et le bâton. Le cachet, c'est comme si il avait donné un chèque blanc avec signé comme ça. Judas. Le cachet. Cordon, je ne sais pas ce que ça représente. Sa force, je ne sais pas. Le bâton, son autorité. Pourquoi? Pour 5 minutes de plaisir. 5 minutes et demie de plaisir. Ok, disons 30 minutes de plaisir. Too much. Forget. Juste un temps de plaisir. Il était prêt à tout donner. Autorité. Signature, ça c'est toi, ta personne. Si je peux copier ta signature, je peux vider ton compte. Isn't it? Donc la signature est quelque chose de très très très important. Le cachet. Wow! Il était prêt à tout donner. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour tes moments de... Hey, are you hungry or what is your problem? À chaque fois quand j'approche, tu entends le bruit qu'il fait. C'est le message. Tu veux descendre. Beaucoup d'entre nous, nous avons perdu notre autorité. Juste parce qu'on cherchait le plaisir, le satisfaire aux émotions. On n'a pas suivi la raison. Yeah. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Et finalement, Judas a dit, cette femme, elle est plus honorable que moi. C'est vrai qu'elle m'a trompé. C'est vrai qu'elle m'a menti. Mais moi aussi, je n'ai pas été honnête envers elle. Yeah. Les simulateurs. Mon frère, si tu ne fais pas attention, tu seras pris. Tu seras simulé. Tu seras pris dans la piège d'une simulatrice. Jeune fille, si tu ne gardes pas les yeux ouverts, si tu n'es pas attentif, tu seras pris par un simulateur. Je ne parle pas de quelqu'un qui est à l'extérieur. ici. Ici. Dans la maison de Dieu. Parce que tu n'as pas été prudent. Parce que tu n'as pas été sage. Alléluia. Ce n'est pas pour vous décourager. Il y a des bonnes personnes aussi dans la maison. Il y a des gens honnêtes et sincères. Mais tu vas les trouver seulement si tu es patient. Si tu es patient, si tu prends le temps de regarder, d'observer, de prier, de demander au Saint-Esprit de te révéler. Amen. Ne tombez pas amoureux avant de prier. Soyez sage. Soyez vigilant. Au fait, parlez de sagesse et de vigilance. Combien d'entre vous connaissent votre état de... Non. Trépano. Votre groupe... Non. Si vous êtes trépanositos ou pas. How many know? Vous savez votre, si vous savez si vous êtes AA ou AS ou AA, vous savez, vous ne savez pas. Qui ne sait pas? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Vous savez? Tu sais? Tu sais pas? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas. Tu sais. Mais pour qui? Tu vas savoir pour qui? Tu sais. Tu sais. Tu sais. Tu sais. Why are you talking? I'm asking you a question. Tu sais, mon frère. Tu ne sais pas. Ok. Tu peux t'asseoir. Merci. La raison pour laquelle je demande, c'est parce que souvent, on arrive devant les pasteurs pour faire ligne. Et on découvre que le couple, les deux sont AS. AS, ça veut dire que vous risquez, vous courez le risque d'avoir des enfants SS, drépano. Ok? Donc, si vous ne connaissez pas l'état, si vous êtes drépano ou pas, le conseil que je veux vous donner, c'est d'aller vérifier. Maintenant. Avant de tomber amoureux de qui que ce soit. Ok? Parce que souvent vous tombez amoureux, Jeff, et puis le cœur est déjà parti. Et quand vous êtes à 6 mois de votre mariage, vous découvrez que tous les deux vous êtes AS. Maintenant c'est un dilemme. Est-ce que je suis mon cœur ou je suis ma raison? J'ai la foi, donc je vais suivre mon cœur. Do you understand? Donc, aujourd'hui, tu n'es pas... Tu as un bilot. C'est le moment d'aller vérifier. Va à l'hôpital. Tu demandes, je veux connaître, je veux savoir si je suis AS ou AA. C'est tout. Toi, tu connais Colombe. Tu es quoi? Non! Je ne parle pas de votre groupe sanguin, ni de votre rhésus. Je parle de la drépanositose. C'est une maladie sanguine. Ça veut dire que vous avez des cellules blancs, non, les white blood cells are high or something like that. Ce n'est pas votre groupe sanguin si vous êtes O positif ou B. L'électrophorèse. That's what she's talking about. Or the drépano. Ah, it's called what? Okay, so. Est-ce que vous avez déjà fait l'examen? De l'électrophorèse. De l'électrophorèse. Hey! Yes or no? Qui n'a jamais fait? Donc, qui ne sait pas si vous êtes AA, AS? Alright. Tu sais. You know what you are. Tu es quoi? AA. Donc, tu peux épouser qui que tu veux. Toi aussi, tu connais. Tu connais. Tu épouses tout le monde. Tu connais. Tu n'as pas encore fait, mais tu es déjà tombé amoureux. Est-ce que j'ai un... Hein? Hein? Il me dit, hein? C'est une question en français. Est-ce que tu es déjà tombé amoureux? Oui ou non? Oui. Tu connais ton état? Tu es hé, toi aussi tu peux épouser tout le monde. You, tu as hé. You are who? And you are what? And you are what? AS. Tu vous voyez, donc si elle tombe amoureuse de quelqu'un qui est aussi AS. Si elle donne son cœur avant de vérifier, c'est trop tard. Donc, ça c'est un autre message, mais je voulais juste le mettre dans le message. Faut pas attendre que vous tombiez amoureuse et puis les corps de mariage demandent des examens pour faire l'examen. Toi, tu es quoi? Tu ne sais pas. C'est le moment d'aller vérifier. Ok? Et vérifie pour toi. C'est pour que toi, tu saches. C'est pas pour quelqu'un. Dis, oh, chérie, tu es très belle. Est-ce que je peux connaître ton nom? Tu dis oui, mais tu es AS ou AAAA. Yeah. It's true. It's just free advice I'm giving you. Do you know your state? Because you've gone. It's only because of. Avant ça, est-ce que tu connaissais ton nom? You see now? Mais tu étais déjà amoureux? C'était déjà trop tard. Ton cœur était déjà parti. Yeah. Il y a des gens qui m'envoient. Oh, par la grâce de Dieu, nous sommes tous les deux. Ah, je dis, look at you. Par la grâce. Et aujourd'hui, c'est la grâce. Il ne faut pas attendre la grâce seulement. Une sagesse. Check. Tiens, moi, dans ma famille, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Oh, c'est vrai. Ok. Dans notre famille. Moi, je me disais que je ne tombais jamais malade, donc automatiquement, j'étais AA. C'est ce que je pensais. Je croyais que si tu étais AS, tu tombais toujours malade. Mais ce n'est pas vrai. AS veut dire que tu es half-half. Tu as un côté drépano, un côté qui n'est pas drépano. Donc peut-être ton côté drépano est moins fort. Donc tu ne tombes pas malade. Mais tu peux facilement être AS. Do you see? Okay, so advice. Go and check. How much is the test? 10 CDs. How? Are you sure? Just for the Japan, no, not for the two. She says, he also says it's 10. It's not 10. Where did you do it? When? 1.5 months. 2 months ago. When did you do yours? A year ago, and you paid how much? How much? You did it with the HIV and all the other things, and that was all. We don't know how much it is. Go and check. C'est gratuit pour les femmes. Hey, you people are telling. Okay. On ne sait pas. Allez-y à l'hôpital, demandez. Vous allez faire pour vous-même. Amen. Utilisez la sagesse. Ne tombez pas en moi. Do you know your state? Don't know your state. Do you know your state? You don't know. Yeah. Pour ne pas tomber amoureux avant. You are AS. Amen. Que le Seigneur nous remplisse de sagesse. Wisdom, wisdom, wisdom, wisdom. La sagesse va nous aider à éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Amen. Éviter beaucoup de choses. ne faut pas seulement dépendre de la grâce. Dépendez aussi de la sagesse que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Le simple, lui, il voit le mal, il avance. Mais le prudent, il se cache. Oh! Que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes sages, des hommes prudents, des femmes prudentes, qui voient le mal, qui reconnaissent les mal. Soyons attentifs, reconnaissons les signes et les symptômes pour ne pas tomber dans le piège de l'ange déguisé en ange de lumière. De Satan déguisé en ange de lumière. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur lui-même ouvre nos yeux pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir distinguer le mal du bien. Seigneur, remplis-nous de sagesse. Fais de nous des hommes et des femmes prudents, prudentes, Seigneur, afin que nous puissions arriver jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Levez-vous. Pas réveillez-vous, mais levez-vous. Et réveillez-vous aussi. Alléluia. Amen. Prions. Commencez à remercier Dieu. Commencez à parler à Dieu. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Seigneur, merci pour les instructions, pour les conseils, pour la parole. Seigneur, ce matin, j'ai reçu pour moi les instructions. Je veux être sage. Je veux être prudent. Je ne veux plus marcher dans la simplicité. Je ne veux plus croire tout par simplicité. Seigneur, je veux être prudent. Je veux être attentif à tout ce qui est autour de moi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes oreilles. Seigneur, je veux être quelqu'un qui te fait plaisir. Je veux être quelqu'un qui arriverait à la fin. Je ne veux pas tomber en chemin. Je ne veux pas tomber en route parce que j'ai manqué de ça. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour cette grâce que tu m'as fait d'écouter un message sur la sagesse. Seigneur, je veux être sage. Je veux te faire plaisir. Je veux que ma vie soit un exemple de quelqu'un de sage. Je te bénis, Seigneur, je te remercie. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons manqué de sagesse. Nous avons trompé les gens pour avoir ce que nous voulions. Seigneur, merci de nous transformer. Fais de nous, Seigneur, des hommes sages, des femmes sages. Enlève et ôte de nos vies toute hypocrisie, tout faux semblant, Seigneur, que nous puissions être vrais devant toi et aussi devant nos frères. Pardonne-nous, Seigneur, car nous n'avons pas été vrais. Seigneur, fais de nous ce que tu voudras. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour vous ce matin. Si tu es là, tu ne connais pas Jésus-Christ personnellement. Tu n'as jamais pris une décision pour l'inviter dans votre cœur. Vous n'avez jamais pris la décision de lui donner votre vie. Aujourd'hui, je veux prier pour vous. Vous êtes là, vous ne savez pas si vous mourrez aujourd'hui, si vous irez au ciel ou à l'enfer. Mon frère, vous pouvez savoir. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, tu veux confesser de ta bouche ce que tu crois dans ton cœur, que Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui seul qui peut te pardonner. C'est lui seul qui peut te sauver. Aujourd'hui, tu veux déclarer, confesser devant cette assemblée que tu crois en Jésus et que tu es prêt à lui donner ton cœur et de l'inviter dans ton cœur. Lève la main, je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Je vois la main levée, merci, que Dieu te bénisse. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux l'inviter dans ton... Tu veux qu'il transforme ta vie parce que tu sais que tu n'es pas sur la bonne voie. Lève la main, je vais prier pour toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Mon frère, je veux prier pour toi. Est-ce que tu peux venir vers moi? Venez, venez. Ceux qui ont les, levé les mains, venez seulement. Oui, en tout, Seigneur. Venez, nous allons prier. Nous allons prier. Restez là. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Non. Abandonne. Descends. C'est bon là-bas. C'est bon. Qui ok. All right. Venez, venez, venez, acclamez, continuez à acclamer. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Peut-être tu as l'habitude de venir à l'église, mais tu sais. Tu sais, toi-même tu sais. Merci, sois béni, alléluia. Nous allons prier, je vais demander à ceux qui sont devant de répéter après moi. Fais de cette prière une prière personnelle que tu fais par la foi. Et croyez que Dieu va vous exaucer. Je vais demander à tout le monde de prier avec nous. S'il vous plaît, avec les yeux fermés, la tête inclinée, disons ensemble, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que ma vie ne te plaît pas. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes erreurs que j'ai commis consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Entre dans mon cœur et transforme ma vie. Seigneur, je m'humilie devant ta parole et je dis, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Dites après moi, Satan, tu n'as plus le contrôle sur ma vie. Satan, à partir d'aujourd'hui, te suivrai plus. Je ne te servirai plus. Je renonce à tout lien qui existe entre toi et moi. Je renonce à tout lien qui existe entre ma famille et toi. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour moi. Il est mort pour moi. Et je crois en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté tel que je suis. Merci Seigneur Jésus de me laver par ton sang précieux. Aujourd'hui Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Règne en moi, Seigneur. Vis en moi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie, Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis lavé par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, pour ton pardon et pour ton salut. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? S'il vous plaît, ceux qui sont devant, il y a un jeune homme juste derrière. Si vous tournez le dos, vous allez voir le jeune homme. Il s'appelle Jesse. Il aimerait vous parler. Il aimerait vous dire un mot. Suivez-le et après vous allez regagner vos places.